Je ne t'ai pas réveillé et j'ai patienté jusqu'au bout de tes rêves avant de te demander. Est-ce que tu me trouves beau? Dis-moi. Est-ce que tu me trouves beau? Dis-moi. Parce que moi, je te trouve pas belle. Est-ce que tu veux m'embrasser tout de suite? Est-ce que tu veux m'embrasser tout de suite? Parce que moi, je ne veux pas. J'ai roulé toute la nuit pour rentrer chez moi. Quand je suis arrivé, je dormais à point fermé. Je me suis pas réveillé. Sur le volant, j'ai ronflé jusqu'au bout de mes rêves. J'avais tout oublié.